Yeah. La crabe s'enfoirait. Déjà de retour dans tes enceintes, frère, je me suis manié. J'lance un projet gratuit, frérot, je suis pas venu mailler. Et la terre crève de faim, mais je vois qu'une partie graillée. Trop de bavures dans la hurle, j'ai vu la patrie brailler. Le tornado n'est pas rapide, chacun ses paradigmes. Je parle rapide sous tsunami, il sert à quoi ton parapluie? J'kiki c'est de la balle, mais ben et mada, normal j'ai nada. Ce monde est malade, j'fais sonner l'alarme et mes états d'âme. Et la jeunesse frôle l'accident. Ils stiffent là, c'est ce bourre d'acide. Et je rate pas l'esprit d'état de syllabe, c'est facile, man. Pas besoin de signal, pareil que j'suis naze, que j'suis déjà bon pour l'asile. Pareil que t'as la cali, moi j'me balade. L'instru j'parle la banane, je n'ai pas la balle. La France m'a dit va là-bas. Montrer du doigt comme tu donnais m'bala m'bala. Capte le thème, j'combats les ténèbres. On aime rien à foutre que t'aimes, tu peux remballer tes nerfs. Combien en barre, trimotards font que peiner. Combien dans le crime et en barre font leur pénètre. C'est dans les risques, les soucis, la rue qu'on a peigné. Mais pour demander à mes listes, pour l'instant tout va peiner. J'suis venu tout plier, pas de pourparler. J'suis venu pour oublier, pas que pour planer. Mec des histoires, on est peut-être tous damnés. Et les histoires se répètent toute l'année. Me taire ou prendre la plume, rester gris ou râler. Encore en manque de thunes, des fois j'sais plus où aller. Fais gaffe, le rap a déjà rendu des coups foualiers. Au départ, là même quand j'voulais tous nous railler. Et dans la ville, ça baratine. Tous à fond dans la dune. Veulent le bolide, la latina. Le veau sert poli à la dynam. La prod tournée, c'est cool, on m'a dit prends la pli là. J'suis pas flatté que t'écoutes si t'as le cul de la pila. Garde le thème, j'essaie les durables. Les MC en font trop l'ex et les duras. Laisse-les. J'ai toujours à prouver comme ex et c'est Turan. Eux ils parlent de gamos quand t'es ex et les Turan. J'me pète la barre trop haute, merde, mais c'est des cycles du rap. Déjà de retour dans tes enceintes, frère, j'me suis manié. J'lance un projet gratuit, frérot, j'suis pas venu mailler. Et la terre crève de faim, mais j'vois qu'une partie graillée. Trop de bavures dans la hurle, j'ai vu la patrie brailler. Et la daronne a peur, elle ne voit pas du bonheur. Mais toi tu veux du cash, tu veux ta part du bonheur. J'fais des efforts en attendant qu'une armée se lève. Mon rap donne de la force à toutes les âmes et se lève. J'suis venu tout plier, pas de pourparler. J'fume pour oublier, pas que pour planer. Mec des histoires, on est peut-être tous damnés. Et les histoires se répètent toute l'année. Me taire ou prendre la plume, rester gris ou râler. Encore en manque de thunes, des fois j'sais plus où aller. Fais gaffe, le rap a déjà rendu des coups foualiers. Au départ, à la même quand je voulais tous nous rallier.